Salut les amis, chères auditrices, chers auditeurs, comme d'habitude, votre rendez-vous rock, punk, musique bizarre, c'est Lost in Space tous les dimanches soirs sur Radioactive. Et on commence sans attendre avec une nouveauté française de cette année 2017, ça s'appelle Féroce et c'est l'odeur du cuir, tout un programme. Je vais suivre. Pauvre Wilde ne me repoussait point. Au contraire, ma tête de son bras fut même doucement environnée. Et il me pressait contre lui. Il ne disait rien, seulement une ou deux fois, je l'entendis murmurer. « oh mon Dieu !» Aussi, Dieu a été terrible. Par une étrange aberration du cœur, ce dernier mot prononcé avec un fort accent anglais, encore que je fusse abîmé dans mon atroce douleur, me donna une diabolique envie de rire, et ce d'autant plus qu'à la même seconde, une larme chaude de Wilde roula sur mon poignet. Ce qui me fit avoir cette horrible saillie, la larme du capitaine. Ce mot me rasséréna, et me détachant hypocritement de Wilde, j'allais me rasseoir en face de lui. Allons, encore notre vieux Carrick. Cette exclamation échappée à un clerc appartenant au genre de ceux qu'on appelle dans les études des sautruisseaux et qui mordait en ce moment de fort bon appétit dans un morceau de pain. Il arracha un peu de mie pour faire une boulette qu'il lança railleusement par le vasistas d'une fenêtre sur laquelle il s'appuyait. Bien dirigée, la boulette rebondit presque à la hauteur de la croisée, après avoir frappé le chapeau d'un inconnu qui traversait la cour d'une maison située rue Vivienne où demeurait Maître Derville avoué.

qu'à l'heure de se soumettre, il soit au moins pensable d'obéir sans respect. Enviable sagesse que Merleau-Ponty admirait chez Socrate, livré à ses juges. Tout comme Alain qui n'hésitait pas à soutenir la nature liberticide du respect, sa disposition à endormir la vigilance et à déposséder du pouvoir de juger. Toute tyrannie vient, il me semble, de ce que les hommes ne savent pas obéir sans respecter. Car la nécessité d'un pouvoir qui décide et ainsi assure l'ordre n'est pas difficile à comprendre. Mais la plupart de ceux qui ont compris la nécessité de l'obéissance concluent, et très mal, que celui à qui ils obéissent a raison. Et le tyran lui-même, grand ou petit, se reconnaît à ceci qu'il veut avoir raison. Ne pas respecter donc pour ne pas cesser d'examiner, de questionner et éventuellement de dénoncer. Penser, c'est dire non, proclame Alain qui sut dire combien l'irrespect demeure le prix à payer pour que survive en l'adulte la jeunesse qui n'entend pas s'en laisser compter. Service is not that expensive, but that takes commitment and you just don't have it. Feels so effortless to be a stranger, but feeling foreign, such a lonely habit. You can't crop yourself out of the picture, out of focus, but still framed inside. Well, the land got blurry and my heart started hurting. And second chances given without doubt. Guess you've got a history, but it's not worth a mention tonight. Kind is captive to the myths you purchase. Sipping through your scenes of plastered confession. Telling pretty stories isn't your sole purpose. Telling everybody that you've learned your lesson. But no one's falling for that NASCAR bullshit. They waited years, you can wait one night. Well, the land got blurry when my eyes started telling it to. C'est bien sûr du produit bio, hein. C'est à base d'agrumes, c'est toutes les peaux d'orange. Parce qu'en fait, tout ce qui est agrumes, ça va pas dans le compost. Ouais, c'est trop acide pour les vers. Donc il y a une collecte séparée. Et donc c'est cette boîte là, il récupère tout ce qui est voilà, citron, pamplemousse, orange. Voilà, et avec ça il presse tout. Il le presse et il distille le substrat. Et ça fait. Ça fait du produit. Après c'est bien pour le sol. Ça sent bon quoi. Ouais. So Mon cher X, excuse, je te prie, le ton quelque peu brutal de ma dernière lettre et mets-le sur le compte de mon état de santé et aussi de cette circonstance que j'ai pensé te dire en une page, ce qui exigerait de longs développements. Yeah. extérieur espagnol, dette égyptienne, veille, le receveur belge, lésiné, râlé. Et qu'est-ce qui m'en est resté pour ma part ? 150 000 francs, une misère. Il nous ouvrit au troisième coup de sonnette de Cassandre. Elle sonnait toujours jusqu'à ce qu'on lui ouvre et enregistrait même sur cassette les différentes sonneries de ses amis. Cassette qu'elle se passait quand elle n'arrivait pas à se décider pour un disque. Il avait plutôt grise mine ce jour-là, mais consentit à esquisser un sourire épais. Dans le vestibule, après avoir malicieusement baisé la main de Cassandre, il me gratifia d'une fraternelle tape dans le dos en grommelant des paroles de bienvenue. Les grincements du parquet me faisaient peur et je fus soulagé d'arriver au salon moqueté d'un gris tirant sur le rouge. Thank you. Il y a, dans le petit village d'Écoute s'il pleut, en Seine-et-Marne, une fauvette qui reçoit le Gil Blas. Parfaitement, vous avez bien lu. Cette fauvette reçoit le Gil Blas. We were leaning on a one-night stand. I was keeping up but no one cared. I was leaving you alone but still. I was hoping you were someplace. Yeah, cause you've given just another chance. Oh, I would do it all again. And I would take my sweet damn time. So long as I could call it mine. Hey, you could call on me. If you call on me, I'd come running. I said, hey, you could call on me. If you call on me, I'd come running. If you want it, we can leave this place. I'm thinking leave. Call out. Ce nom, c'était celui du fils. Je donnais l'ordre de le faire entrer et j'allais au-devant du jeune homme en lui tendant une main qu'il parut ne pas voir. I should have been the guy. was some time ago, in the midst of some very strange events, which began one afternoon in my home. A friend and I were talking, and during the course of the conversation, she confided that she'd been hearing voices in the middle of the night. But when she awoke, there was no one there. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, permettez-moi tout d'abord de vous remercier de nous avoir fait l'honneur de nous inviter aujourd'hui, mes partenaires et moi-même, de vous présenter, ainsi que téléspectateurs, notre projet de reprise de TF1. C'est vrai, je suis le numéro 1 mondial dans mon métier. Je suis candidat parce que j'ai un grand projet pour la vie. Et que j'ai trouvé des partenaires. Créateurs, véritables entrepreneurs, partageant à la fois mon enthousiasme et ma foi. Merci beaucoup, bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Juste Prix, ravi de vous y accueillir. Nous démarrons cette semaine, nous avons déjà eu qualifié pour la finale de dimanche prochain, Muriel venant d'Aix-en-Provence. La grande maison de couture représente le mieux l'élégance française. Bonjour. Vous dites où vous venez, ce que vous faites dans la vie. Alors j'habite à Rivérasque, dans la Dordogne. Oui. Et je suis caissière dans une grande campagne. D'accord, je suis bonne chance à Rivérasque. Yeah. cas sincèrement désolé de ce manquement inadmissible au sérieux, à l'éthique et à la déontologie de l'information. C'est la première fois dans l'histoire de nos journaux. Nous ne pouvions ici ni déceler ni imaginer pareille faute, malgré les procédures de contrôle mises en place pour chacun des 15 000 reportages que nous diffusons chaque année. Néanmoins, nous vous prions bien évidemment d'accepter nos excuses. There, that ought to do it. Now. No need to be coy, turn your head aside. Now that much you'll be able to hide. don't see you. You better come a little bit closer. Don't worry, I ain't no dermy. No one but a crazy dermy be fool enough to make that much noise. No, I'm just singing to keep myself company. Past caring about the plague. I'm headed north where there's people. And if some dermy happens to hear me singing, well, I'll just tell him to join on in. So what's the use of being healthy if you're alone? Okay, old man, that's far enough. Thank you. me out here into the country, you don't have to torture me with that radio, too. Sorry, Selena. Maybe this trip wasn't such a good idea after all. Maybe it wasn't. Bad time. Like my pregnancy. Surely look late while he's sorry. Hacerles un poquito la cosa, porque yo lo tengo muy difícil, tengo que escribir, hacer la melodía, escribir y hacer el ritmo al mismo tiempo. Y empecé entonces a decirle Look out, you void brain. Morris hated rocket traffic. There was only one thing he hated more. It was something he couldn't escape, no matter where he went. Yeah. Dr. Nage recommends I keep this diary. Memory stored in memory, bits of thought stored within a microchip. Called up again, when necessary, through the miracle of audioscopy. Come on, everybody, listen to me. There's Green New Dance, and it goes like this. because it was the chemical mixture of those four people that makes a group work. And you can take one away and replace him with whoever you like, or 10 men you can, and it's never going to work. Oh yeah. yeah.